واه ايام تاعو بيشو شيفانس فريستايل نمبر 8 اه سلام لا بس خويا au bon char j'ai vissé la veste mouillée j'ai pas besoin de montrer que je suis le best ou pas comme toi par la police dans la caisse fouillée tu sais qu'on fait peu la fête au fait y'a les bacs qui font des feintes non faut qu'on prenne l'avion juste pour festoyer dans des soucis et des yankees qui se mettent à perdre oh yes les TP canins d'air c'est la vida faut pas niquer le délire fais une vidange chez nous on dit jamais que l'alcool devient vital on sonne comme des chétalons de mener une vidange on se voit dans le mur si lago cappuccino on dit quoi trop cigari au mochino ou dans la tête avec la capuchigo robe renoi dans le pan qui bosse en mochina eh, c'est pas la fête j'en sors trois et me dit qui veut celui du milieu comme d'hab je suis sous Jaconia je suis qu'une abeille en recherche de miel j'ai mal à la tête on peut vouloir mon bien comme me faire du mal y'a rien pour vous vous êtes malade j'prends le shit sur des recharges de mille comme d'hab j'suis sous Jaconia j'suis qu'une abeille en recherche de miel y'a rien pour vous vous êtes malade j'prends le shit sur des recharges de mille et puis me tire tête à barreau dans Pee-wee fais-toi pas chasser par TDM vodka se mélange au kiwi bourré on entame la VPN souvent tu te demandes c'est qui lui tu ne me vois pas sur MCM Manu t'inquiète pas je fais la jeep je cartonne comme l'époque BPM en vrai je tiens la sacoche impeccable argent facile gros on aime beaucoup y'a des scooters MPK et Pepep crie à l'arrêt gros faut que ça tienne le coup freestyle carré à la tienne le coup on se moque pas t'inquiète on écoute les tout je veux pas de mytho cagoulé incognito bouteille pour apéro j'écoute le tout écoute les sons poteaux wesh tes souris tu je te respecte même si tu dis qu'ils sont pétés ayant qu'ils me reconnaissent dit tes souris tu seront cool tu pètes la niaque même sur un son d'été cramé dans la loque on mange une salamande j'ai mal au ventre je vais me finir un mélange à la pêche recherche la vodka du chef à la pomme on ne crache que du fait poteau bien suicide à la mèche. Comme d'hab, j'suis sous Jaconia, j'suis qu'une abeille en recherche de miel. Y'a rien pour vous, vous êtes malade, j'prends le chèque sur des recharges de mille. Ouah, la famille, ça fait plaisir, restez branché. L'album il arrive d'ici peu. Chanson manque 77 400. TIM. Y'a rien pour vous, vous êtes malade, j'prends le shit sur des recharges de mille.